mes bêtes de lyrics tombent sur le beat comme follow me. Mes bêtes de lyrics tombent sur le beat comme follow me. Ambiance. Ambiance. On peut plus blaguer fils, maintenant le temps est venu de prendre les risques. Allez vite avec vice, dans le dust on est vif. De la street on s'équipe, dans l'équipe que les beats. Pas de pute que les types, gros calibre dans les fuites. Cours quand t'entends le clic, salope, le sick rap. Tape un sprint, t'es Kaira, suce me beat. Chop me beat, drop me the beat. Motherfuck dessus le beat, fais pas comme un de ces putains de wannabe. Official dans le jazz, Ali trop balèze. Testé de la baise, on te laisse en chaise ou dead. Motherfucker yeah, boom la mon bread. On pop le head et ton compte. Ambiance. Mes bêtes de lyrics tombent sur le beat, come follow me. Ambiance. Mes bêtes de lyrics tombent sur le beat, come follow me. Ambiance. Mes bêtes de lyrics tombent sur le beat, come follow me. Ambiance. Mes bêtes de lyrics tombent sur le beat, come follow me. Marquer le taulier du rap game, j'le back pour un bucket, hand in a pocket. J'le fuck up comme un nugget, qui est vedette, qui veut l'être. J'm'en bats les steaks, mais lec ta race petit, c'est que du lourd quand Koba kick. J'm'en la rue comme au mic, j'suis un monsieur, phénomène en live, dangereux, flow précieux. Ta go me trouve délicieux, t'aimes pas mon style, menace-le. Fini la nuit avec une hache greffée entre les deux yeux. Ici c'est, comme je dis que c'est, du las graissé. Arme testée, bouge on est pressé, c'est plus les essais. Il faut laisser, on va tout baiser. Yeah. Les last tournes me les, et les beats collés me les. Y'a pas le time, faut vous gâter, même bon là faut me payer. Même pour voir qu'on bled avec mille fois le prix du billet. Venu tout piller, papy, venu tout piller. T'es chenille comme un motherfuck. Zigzag entre les caisses, torture le beat comme si c'était le proc. Ou Sarko, violé sous narco. Un coup KO, on est des bao. Pas trop hardcore, à la Esco. Y'a pas fiasco, demande à Brau Yasco. En ambiance. Mes bêtes de lyrics tombent sur le beat, come follow me. Ambiance. Mes bêtes de lyrics tombent sur le beat, come follow me. Ambiance. Mes bêtes de lyrics tombent sur le beat, come follow me. Ambiance. Ambiance. Ambiance. Toi et Bernadette.